You give donnez-ni. Mali Moussolou, Sénégal Moussolou, la Guinée Moussolou. Eh, aïe donc, Ken Moussou, Beka Kanela. Aha. Agadon, Agassewa, Adjoa. Yeah, yeah, yeah.